Ok, on va commencer, Inch'Allah, Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On va commencer donc le cours d'aujourd'hui, le cours 32 dans l'explication de Sharh Manzumat al-Adab du Sheikh al-Mardawi, rahimahullah. Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi al-Hanbali avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, le livre sur l'éthique de l'islam et les règles éthiques de la charia, les bonnes manières, le bon comportement. Et on était rendu dans le chapitre au sujet de Silatul Rahim, c'est-à-dire le fait de garder les liens de parenté, les liens de sang, et l'interdiction de briser les liens de parenté, et également la bonté envers les parents. Et aussi on parle également dans ce chapitre d'être égal envers les enfants, de pas être injuste envers les enfants, en privilégiant certains et en négligeant d'autres, ou en étant plus favorable à certains et puis de priver les autres. Ça, c'est sacré de l'injustice. Et plus tard également, ça crée des conflits entre les enfants. D'accord? Donc c'est très très très dangereux, très grave. Et ça a créé des fois parmi les gens, ça a même fait des guerres, des choses comme ça. Hein? Surtout quand c'est des parents qui ont, par exemple, un pouvoir ou une richesse ou une autorité. Et puis que quand ils meurent, par exemple, après, ça crée les guerres entre les enfants par la suite. Hein? Surtout dans les familles royales, les familles des gouverneurs, des dynasties ou des choses comme ça. Ala kulli hal, on était en train d'expliquer au dernier cours que Allah Azza wa Jal, il nous ordonne la bonté envers les parents et le fait d'obéir les parents dans le bien. Même si ces parents-là sont des koufars, même si tes parents sont des koufars, tu dois leur obéir dans le bien. Et le Cheikh Al-Mardawi, il dit dans le vers, parce qu'on avait lu au dernier cours, « وَلَوْ كَانَ ذَا كُفْرٍ وَأَوْجَبَ تَوْعَهُ سِوَا فِي حَرَامٍ أَوْ لِأَمْرٍ مُؤَكَّدِ » Donc ici, il dit, tu dois obéir à tes parents, hein, ton père et ta mère, même s'ils sont des koufars, sauf dans le haram, hein, ou dans quelque chose qui est établi, qui est certain dans l'islam. Et donc le cheikh, il explique cette partie-là. Parce qu'on a expliqué au dernier cours l'obligation d'obéir aux parents et d'être bon envers les parents, même si c'est des koufars. Il y a des versets dans le Coran à ce sujet-là. Et ça, on a expliqué ça au dernier cours. Maintenant, la suite, hein, l'autre partie du vers, il dit « Siwa fi haramin, fala tuti' walidaka fil haram, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma, law qala laka waliduka, utruk l'islam, ou اذهب معي إلى زيارة القبور لدعائها وعبادتها والذبح لها والنذر لها أنا والدك اذهب معي أعني وساعدني على ذبح القرابين للأموات أو دلني على الضريح خذ بيدي ودلني على الضريح أو ساعدني فلا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا تطعه على معصية الله من فعل محرما أو ترك واجبا أو من فعل محرم أو ترك واجب لو قال لك لا تصلي ou la tu salli ma al jama'a la tu ti'hu. Donc le cheikh, il dit, sauf dans quelque chose qui est haram, tu ne dois pas obéir à tes parents dans ce cas-là. Tu ne dois pas obéir à ton père, tu ne dois pas obéir à ta mère dans ce qui est haram. Et ça, c'est une chose importante parce qu'il y a beaucoup de musulmans, des parents musulmans qui disent à leurs enfants, lorsque leurs enfants pratiquent l'islam, qu'ils sont des mauvais enfants ou qu'ils ne sont pas des bons enfants ou qu'ils ne respectent pas leurs parents. Pourquoi ils leur disent ça? Parce que lorsqu'ils ordonnent à leurs enfants des choses ou qu'ils demandent à leurs enfants des choses qui sont haram ou des choses qui sont contraires à l'islam, ces parents-là disent: ah, tu m'obéis pas, donc t'es pas un bon, t'es pas un respectueux, tu respectes pas l'islam. Hein? Tu dis que tu es musulman, que tu pratiques la religion, hein? Mais tu obéis pas à tes parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que l'obéissance aux parents, elle est absolue. Comme l'obéissance à Allah et au messager. Or, ce n'est pas le cas. L'obéissance de l'enfant pour ses parents, ou de la femme pour son mari, ou de l'individu pour le dirigeant, elle est restreinte et limitée à ce qui n'est pas un péché, à ce qui n'est pas interdit en islam. Donc, tu n'as pas le droit d'obéir à tes parents dans ce qui est haram. Et Allah Azzawajal, il dit dans plusieurs versets dans le Coran, et si ils te forcent tous les deux, c'est-à-dire tes parents, à faire du shirk avec moi en associant ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas, mais sois pour eux un bon compagnon. Hein? Accompagne-les dans la dunya, dans le bien. Hein? Mais s'ils te demandent de faire le shirk ou de faire quelque chose qui est haram, tu n'as pas le droit de leur obéir dans ces choses-là. Et le cheikh, il explique, il dit, si ton père, il te dit, laisse l'islam, abandonne l'islam, quitte l'islam, ou bien viens avec moi pour adorer les tombes, hein, sacrifier, faire des sacrifices aux tombes, pour adorer les morts, je suis ton père, tu dois m'obéir, hein, viens, aide-moi, on va ramener les sacrifices pour donner, pour faire pour les morts, pour égorger pour les morts, pour sacrifier pour les morts. Ou indique-moi où est-ce qu'elle est, telle ou telle tombe, pour que j'aille l'adorer. Prends ma main et amène-moi jusqu'à la tombe d'un tel pour que je l'invoque ou pour que je l'adore en dehors d'Allah. Aide-moi là-dedans. Le cheikh dit, dans ce cas-là, tu lui obéis pas. Tu dis, non, je ne peux pas t'obéir dans ça, ça c'est du shirk. Et le principe en islam, c'est le principe suivant. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que si une créature te demande de désobéir à Allah ou t'ordonne quelque chose qui implique de désobéir à Allah, eh bien, tu n'as pas le droit de lui obéir dans cette chose-là. Hein? Tu dois refuser de lui obéir parce que tu dois obéir le créateur. Et une créature n'a pas le droit de t'ordonner ou de t'imposer de désobéir à ton créateur. C'est ça que ça signifie. Même si c'est un dirigeant, même si c'est un pays ou une loi d'un pays, hein, ou que c'est une loi dans une charte, hein, que des êtres humains ont écrite. Hein. Il y a des gens aujourd'hui, ils écrivent des chartes et ils font des chartes et ils demandent aux gens de les respecter. Sauf que dans ces chartes, il y a des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Est-ce qu'on a le droit d'obéir à ces chartes? Non, on n'a pas le droit. On a seulement le droit d'obéir à ces chartes si elles n'impliquent rien de contradictoire avec l'islam. Mais du moment qu'elles impliquent quelque chose de contradictoire avec l'islam, on n'a pas le droit d'obéir à ce qui contredit à l'islam dans ces chartes. Peu importe qui les a écrites. Et donc, que ce soit un musulman, ou que ce soit un non-musulman, un musulman ou un kafir, peu importe, s'il a écrit une charte qui implique qu'on doit désobéir à Allah, ou qu'on doit faire quelque chose de haram, contraire au Coran, ou contraire à la Sunna, ou contraire à l'Ijma, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'obéir à ça. Et le cheikh, il dit ici dans le texte, il mentionne comme exemple aussi le verset 2 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azzawajal, il donne une règle générale qui dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Voilà, ta'awanu. Al-mu'awana, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de al-aoun. A'ana, yu'inu. Ça veut dire d'aider. Hein? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in, ça veut dire on demande l'aide. Donc, ta'awanu, ça veut dire le fait de s'entraider les uns les autres. Al-mu'awana, ça veut dire tu aides les autres et les autres t'aident. C'est ça que ça veut dire. L'aide mutuelle. C'est ça, l'entraide, la collaboration, la coopération. C'est ça que ça veut dire. Donc, Allah, il dit, entraidez-vous les uns les autres, ala al-birri wa taqwa, sur la bonté et le fait de se préserver d'Allah et la piété. Wala ta'awanu, et ne vous entraidez pas les uns les autres, ala al-ithmi wa al-udwan. Al-ithm, c'est le péché. Et al-udwan, c'est la transgression. Donc, ne vous entraidez pas et ne collaborez pas les uns avec les autres dans le péché. Donc, tout ce qui est un péché, tout ce qui rentre dans les interdictions, tout ce qui rentre dans ce que Allah a interdit ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de s'entraider là-dedans. Hein? Quelqu'un, par exemple, des exemples simples que je vais vous donner pour que vous voir que hein, c'est des fois des choses qu'on n'imagine même pas, on n'y pense même pas. Quelqu'un est au coin de la rue, par exemple, il va te dire est-ce que tu as du feu pour allumer ma cigarette? Est-ce que tu as le droit de l'aider pour allumer sa cigarette? Non. Pourquoi? Parce que fumer, c'est haram. Et il détruit sa santé, tu n'as pas le droit de l'aider à détruire sa santé, même s'il veut. Hein? Quelqu'un, par exemple, il te demande un service pour faire quelque chose de haram. Par exemple, une fille qui veut passer un message à un garçon à qui elle veut parler ou des choses comme ça. Et toi, tu sers de messager. Elle te donne le message, tu vas lui remettre la lettre. Hein? Est-ce que tu as le droit de l'aider dans ça? Non. Alors là, les gens, ils vont dire, ah, mais. On est des amis, on doit s'entraider. On doit s'entraider quand on est des amis. Si on est des vrais amis, on s'entraide dans la vérité. On s'entraide dans le bien. On ne s'entraide pas dans le péché. Et donc, ça s'applique pas seulement aux parents, mais ça s'applique entre les êtres humains de façon générale. On ne doit pas s'entraider les uns les autres dans ce qui est un péché ou dans ce qui est haram. Mais on doit s'entraider dans tout ce qui est bon, et dans tout ce qui est bien, et dans tout ce qui amène le bien. D'accord? Si quelqu'un il a besoin d'aide, même pour quelque chose qui n'est pas bien ni mal, quelque chose qui est neutre. Hein? Par exemple, quelqu'un qui veut déménager, par exemple. Hein? Déménager, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas interdit. Tu as le droit de changer d'un appartement à un autre, si tu veux. Hein? Et ça n'implique pas quelque chose de haram, ça n'implique pas quelque chose d'obligatoire ni d'interdit. Donc, si tu l'aides à faire ça, c'est une bonne action que tu fais quand même. Hein? Parce que tu l'aides à transporter ses meubles ou ses choses, et donc ça lui rend service. Donc, c'est un bien que tu fais. Donc, on s'entraide dans le bien de cette façon-là aussi. Mais si c'est quelqu'un, par exemple, tu l'aides. Par exemple, tu l'aides, par exemple, pour marcher, pour venir à la mosquée, parce qu'il est aveugle. Et tu lui prends la main, puis tu l'amènes jusqu'à la mosquée. Ça, c'est une bonne action que tu fais. Tu l'aides dans le bien. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, la même chose aussi avec les parents. Hein? Ton père, par exemple, il n'est pas musulman. Il te dit... Va m'acheter du porc au magasin. Je vais me faire de la nourriture. Je vais me faire un sandwich. Achète-moi du jambon ou quelque chose comme ça. Hein? Tu dis à ton père, non, moi, je peux pas t'acheter du porc. Je peux t'acheter du bœuf. Je peux t'acheter du mouton. Je peux t'acheter n'importe quelle viande, du poulet. Mais le bœuf, hein, mais le porc, je peux pas te l'acheter. Ça, c'est haram. Hein? Donc, tu t'en vas lui acheter. Qu'est-ce qui est halal? Ok. comme on dit en arabe. Comme tu veux, je te l'achète. Tu veux des choses halal, je te les achète. Je pars maintenant l'acheter, sans problème. Mais tu me demandes, achète-moi des cigarettes ou va m'acheter une bouteille d'alcool. Hein? Va à la commission des alcools. Va m'acheter de l'alcool pour moi, j'ai besoin d'une bouteille de vin. Hein? Non, papa, je peux pas. J'ai pas le droit. Non, maman, je n'ai pas le droit de faire ça. Je suis musulman, moi. Ça, c'est haram. Hein? Il te dit, va m'acheter, par exemple, va me faire un prêt avec riba, par exemple. Je peux pas. Hein? Il dit, mais oui, on va faire un commerce. Et puis, on va investir, on va acheter quelque chose. Tu vas aller à la banque, tu vas prendre un prêt, on va faire ça. Non, je n'ai pas le droit de faire ça. Ça, c'est haram. Je suis musulman. Dans l'islam, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, ça, c'est la même chose. Que ton père soit musulman ou pas, peut-être que c'est un musulman qui ne pratique pas l'islam. C'est la même chose. Ou bien qui fait des péchés. Un musulman qui fait des péchés. Tu n'as pas le droit de l'aider dans le péché. Mais s'il t'ordonne de faire quelque chose, même si c'est un ordre qu'il te donne, tu ne dois pas l'obéir. Hein? Toutefois, s'il te demande quelque chose de bien, de permis, de licite, qui est halal, oui, tu l'aides. Et donc le cheikh, il dit, tu vas pas donc lui obéir dans la désobéissance d'Allah, ou dans le fait de faire haram, ou dans le fait de délaisser ce qui est obligatoire. Si par exemple ton père il te dit, non, fais pas la salat, arrête de faire la salat, hein? Tu dois pas lui obéir, t'as pas le droit de lui obéir. Si ton père, par exemple, il te dit, ou ta mère, il dit, enlève le hijab. Il dit à une femme, enlève le hijab, arrête de porter ça, le djilbab, niqab, enlève ça. Hein? Je ne veux pas que tu sortes avec ça, je ne veux pas que les gens te voient avec ça, enlève ça tout de suite. Hein? Alors non, tu dis, écoute, ça c'est l'ordre de mon Seigneur, l'ordre d'Allah. Hein? Alors je ne peux pas l'enlever. Hein? Est-ce que je vais obéir à une créature alors que je vais désobéir à mon créateur? Non, j'ai pas le droit. Hein? Avec tout le respect que je dois à mes parents et l'obéissance que je dois à mes parents, mais je ne peux pas désobéir à Allah pour plaire à mes parents. Hein? Donc si tes parents ils te disent, va pas à la mosquée, va pas. Hein? Fais pas la prière en groupe, des choses comme ça. Rase ta barbe. Hein? Rase la barbe. Ou bien ils vont dire, il y a toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Coupe pas tes pantalons en haut de la cheville. Laisse traîner tes pantalons par terre. Non, j'ai pas le droit. Ou s'il dit, sors, va. Hein? Va t'amuser, va faire les choses haram. Non, je ne peux pas. Moi, je suis musulman. Donc, tout ça, c'est important. Et ça, c'est des tests. Et c'est des épreuves que les êtres humains vont avoir dans leur vie avec les proches et leur famille. Et dites-vous que peu importe les difficultés que vous avez avec vos familles par rapport à l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu plus de problèmes avec sa famille que ça. Et même Ibrahim alayhi salam, il a eu plus de problèmes que ça avec ses parents aussi. Même que son père, il a essayé de le brûler vivant. Imaginez. Hein? Parce que il était sur le tawhid et il a critiqué les idoles. Son père a voulu le faire brûler vivant. Est-ce que votre père, il a essayé de vous brûler vivant? Ou votre mère? Donc, ça ne s'approche même pas de la réalité de ce que les prophètes ont subi dans les difficultés, même si certaines personnes ont parfois des épreuves très très difficiles lorsqu'ils se convertissent à l'islam, effectivement. Allahul Musta'an. Mais ça fait partie des tests. Le verset suivant, ou le vers suivant plutôt, dans le poème, le cheikh dit: Ka titla bi ilmin, la yadurruhuma. لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد. Il dit comme par exemple, lorsque toi tu veux chercher la science, Mais avant ça, il y a une autre partie, j'avais oublié d'expliquer la dernière partie du vers, quand il dit Aw li amrin muakkadi. Cheikh Al-Fawzan, il dit Aw li amrin muakkadi, yani law mana'aka annaka ta'mal bil amr alladhi yaqtadi al-wujub, hatta as-sunan al-muakkada la tuti'hu fi tarkiha. لو قال لك لا توتر لا تصلي الرواتب التي مع الفرائض لا تقم في صلاة الليل لا تطيعه في هذا لأن هذه سنة مؤكدة فلا تطيعه في تركها. Oui, c'est ça. Donc tu dois pas leur obéir dans ce qui est haram et tu ne dois pas aussi leur obéir dans le fait de délaisser ce qui est quelque chose de déterminé dans l'islam, comme une sunna qui est mu'akkada, c'est-à-dire une sunna qui est confirmée et qui est, disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé jamais cette chose, qui est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna qui est confirmée par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a continuellement appliquée et mise en pratique. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire que si ton père ou ta mère il t'empêche de faire quelque chose qui implique une obligation, même des choses qui ne sont pas obligatoires mais qui font partie des sunan qui ont été yani, confirmées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à leur importance, alors dans ce cas-là ne leur obéis pas dans le fait de les délaisser, ces choses-là. C'est comme par exemple si tes parents ils te disent de ne pas faire le witr ou de ne pas faire les prières avant et après les obligations, ou de faire la prière la nuit, de prier la nuit. Ne leur obéis pas dans ça, parce que ça, c'est des sunnas qui sont mu'akkada. Hein? Alors, on ne leur obéit pas dans le fait de les délaisser. Et ensuite, le cheikh, il dit... titlabi ilmin لا يضرهما أو لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد. Ça veut dire que si par exemple tu veux aller chercher la science, tu veux aller voyager pour apprendre l'islam et que ça ne leur cause aucun tort parce qu'ils n'ont pas besoin de toi, dans ce cas-là tu peux y aller. Ou bien ils t'ordonnent de divorcer ta femme, sauf qu'ils le font uniquement pour une opinion qui n'est pas basée sur rien de la religion. C'est juste une opinion qu'ils ont comme ça, qui n'est pas basée sur un ordre de l'islam. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas à leur obéir dans ça. Et c'est important aussi de spécifier juste par rapport à ça que si tes parents t'ordonnent ou t'interdisent de faire quelque chose, yani... qui n'est pas contraire à l'islam et que c'est pour ton bien, dans ce cas-là, tu devrais leur obéir si c'est par le bien, d'accord? Mais si c'est parce que des fois, il y a des gens qui désobéissent à leurs parents, même quand leurs parents leur ordonnent de faire quelque chose de bien. Puis quand... Hein, donc, c'est pour dire que tu dois obéir dans le bien et... S'ils t'ordonnent le mal, là, tu dois désobéir. Mais il y en a, ils obéissent dans le mal. Quand leurs parents leur ordonnent de faire quelque chose de haram, ils le font. Mais quand ils leur ordonnent de faire le bien, ils n'écoutent pas. Hein? Ils n'écoutent pas leurs parents. Et c'est la même chose aussi avec les dirigeants. Parfois, les gens, si le dirigeant il leur ordonnait de faire quelque chose de haram, ils le font. Mais quand le dirigeant leur interdit de faire quelque chose hein, qui est... Il y en a qui est obligatoire ou bien qui leur ordonne de faire quelque chose qui est haram. Il y en a, ils le font. Mais quand ils leur ordonnent de faire quelque chose qui est obligatoire dans l'islam ou qui fait partie de la religion, là, ils désobéissent. C'est la contradiction, il y en a, que tu trouves chez certains. Qui obéissent dans le haram, mais qui désobéissent dans qu'est-ce qui est en accord avec la religion. Ensuite, le cheikh il explique, donc il dit كَتَطْلِيبِ عِلْمٍ لَا يَدُرُّهُمَا بِهِ لَوْ مَنَعَكَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ نَظَرْنَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ فِي كَوْنِكَ تَطْلُبَ الْعِلْمِ بأن يكون محتاجا لك للبقاء عنده وخدمته ومساعدته، فإنك تقدم طاعته، يعني تقدم طاعته. أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم فلا تطعه في ترك طلب العلم. وهذا هو التفصيل في هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، يقول والدي يمنعني من طلب العلم. نقول له هل على والدك ضرر إذا ذهبت؟ يقول لا، ما عليه ضرر. نقول له لا تطعه ولا تترك العلم، وإن قال عليه ضرر قلنا له ادفع الضرر عنه، لأن حقه متأكد عليك، فادفع الضرر عنه. Donc il dit le cheikh que si par exemple tu veux chercher la science et lui il veut t'empêcher de partir étudier, hein, supposons que tu veux aller étudier dans un pays musulman avec les ulama, ou que tu as été accepté dans une université islamique comme l'université de Médine et que tu veux partir. Le cheikh dit, dans ce cas-là, on va regarder la situation. Si le fait que tu partes va lui causer un tort, hein, parce qu'il a besoin de toi, il faut que tu restes auprès de lui pour le servir et pour l'aider, parce qu'il est vieux, parce qu'il est malade, ou parce qu'il est dans le besoin. Alors, dans ce cas-là, tu dois donner précédence à son obéissance et à le servir. Il dit toutefois, si il n'aura aucun tort dans le fait que tu partes et qu'il n'a pas besoin de toi pour que tu sois là pour l'aider dans quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, ne lui obéis pas, hein, dans le fait de délaisser la quête du savoir et talab al-ilm. Et donc c'est ça, il dit le détail de la situation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Cheikh, il dit, il y a beaucoup de gens qui posent cette question et ils disent, mon père m'empêche de chercher la science ou d'étudier, ou ma mère m'empêche d'aller étudier la science. Alors il dit, le cheikh, on lui dit, dans ce cas-là, si ton père il a un tort, hein, ça va lui causer un tort de te voir partir, dans le sens que il a besoin de toi à cause d'une situation, soit parce qu'il est malade, soit qu'il est c'est une personne qui est âgée et qui est faible. Il a besoin de ton aide, il a besoin de ta présence. Et que si tu n'es pas là, ça va lui faire du tort, ça va lui causer un préjudice. Alors dans ce cas-là, hein, tu ne dois pas partir. Hein? Mais si ça ne lui cause aucun tort, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la famille qui sont présentes, d'autres frères, des sœurs, ou d'autres membres de la famille qui sont là et qui peuvent l'aider en ton absence, hein, même s'il est dans le besoin, donc ton absence ne va pas lui faire du tort, alors dans ce cas-là, ne lui obéis pas et tu peux partir, parce que ça ne lui cause pas de tort. Mais s'il a besoin de toi, alors reste, parce que son droit sur toi, il est déterminé, il est certain. Et donc tu dois repousser tout tort qui pourrait lui arriver, hein, par rapport à ton absence, par exemple. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit « وَتَطْلِيقُ زَوْجَاتٍ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ وَكَذَلِكَ إِذَا أَمَرَكَ وَالِدُكَ بِطَلَاقِ زَوْجَتِكَ بِدُونِ مُصَوِّرٍ شَرَعِيٍ وَزَوْجُكَ مُسْتَقِيمَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهَا مَأْخَذٌ فِي دِينِهَا وَلَا عِرْضِهَا وَإِنَّمَا الْأَمْرُ نَفْسِيٌّ فَقَطْ أَوْ هَوَى فَلَا يَلْزِمُكَ طَاعَتَهُمَا فِي ذَلِكَ فلا تطلق زوجتك من أجل رغبتهما النفسية لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق وهذا ليس للوالد منه غرض صحيح إنما هو مجرد هوى فلا تطعه في ذلك والوالد والوالدة سواء في هذا أما إذا كان هناك ملحظ شرعي إذا كان هناك ملحظ شرعي في الزوجة أنها مفرطة في دين أو أنها متساهلة في عرضها أو كانت تؤذي والديك يعني وتسيء إليهما وأمرك والدك بل حتى ولو لم يأمرك والدك فإنك تطلقها ابتعادا عن الضرر في الدين والدنيا. فإن قلت إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بتطليق زوجته فجاء ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن عمر يريد مني أن أطلق زوجتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قيل هذا خاص بمثل عمر رضي الله عنه، عمر لا يأخذه الهوى، لا يأخذه الهوى، يأخذه الشهوة النفسانية، لا يأخذه ذلك. أما غيره فإنه لا يأمن أنه متغرد أو أنه متشهن أو أنه ظالم. فعمر ليس مثل غيره. ولهذا جاء رجل يسأل الإمام أحمد رحمه الله بأن أباه أمره أن يطلق زوجته، قال له أحمد رحمه الله لا تطلقها. قال أليس عمر لما طلب طلاق زوجة ابنه طلاقها؟ قال هل أبوك مثل عمر؟ donc ici le cheikh il explique si tes parents ils t'ordonnent de divorcer ta femme ou tes femmes uniquement basé sur une opinion. Hein? Donc, tes parents, par exemple, ils te disent « divorce ta femme hein? » sans aucune justification religieuse. Et que ta femme est une femme qui est droite dans sa religion. Et elle n'a aucune reproche. Hein? On n'a aucune reproche à lui faire, ni dans sa religion, ni dans son honneur. C'est seulement une affaire, yani, comme on dit, Amr nafsiyun faqat, c'est-à-dire c'est juste un sentiment qu'ils ont ou quelque chose qu'ils ont en eux-mêmes. Ils veulent plus que ils aiment pas cette femme-là. C'est quelque chose qu'ils ont, une passion ou quelque chose qu'ils ont, un sentiment, ou comme on dit des fois, les gens ils disent ah, j'ai un pressentiment. Des fois c'est le shaitan, hein? Allah al-musta'an. Et donc dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de leur obéir dans ça. Donc ne divorce pas ta femme pour leur désir. Hein, ou pour les satisfaire dans leurs désirs à ce moment-là, parce que la chose que Allah déteste le plus, c'est le divorce parmi les choses halal. Et il dit, et il n'y a pas d'intérêt ou de justification valide ici dans ce cas-là, c'est seulement basé sur la passion, alors n'obéis pas dans ce cas-là. Peu importe que ce soit ton père ou ta mère qui te demande de la divorcer. Il dit, mais si par contre il y a des observations ou des reproches religieuses à lui faire, parce qu'elle est négligente dans la religion, ou parce qu'elle est une personne qui est laxiste dans son honneur et se laisse aller, elle ne préserve pas son honneur, ou elle fait du tort à tes parents et elle agit mal envers eux, alors dans ce cas-là, si ton père t'ordonne, ou même s'il ne t'ordonne pas de la divorcer, mais toi tu la divorces pour éloigner le mal qu'elle peut causer dans la religion ou dans la dunya. Et il dit, et si quelqu'un dit par exemple, oui mais Omar il avait ordonné à son fils Abdullah de divorcer sa femme, et il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, Omar il m'a ordonné, hein, il veut que je divorce ma femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, divorce-la. Hein? Subhanallah. Alors, le cheikh il répond, il dit, ça c'était spécifique à Omar. Il dit, c'est particulier pour Omar. Pourquoi? Parce que Omar, il ne se base pas sur la passion. Et il ne se laisse pas diriger par ses intentions ou par ses passions ou ses intérêts ou par l'injustice. Donc s'il a ordonné ça à son fils, c'est parce qu'il y avait une raison valide. Et donc Omar, il n'est pas comparable à d'autres. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le niveau, le degré de Omar. C'est un homme qui était droit. Et en même temps, il dit, quand le si le shaitan, si Omar il prend un chemin, le shaitan il prend un autre. Hein? Donc c'est connu ça. Omar était un homme dur pour la vérité. Il s'accrochait fermement à la vérité. Il ne se laisse pas aller par la passion. Et donc ici, il dit, le cheikh, ça c'est spécifique à Omar. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a un homme qui est venu voir l'imam Ahmad ibn Hanbal à l'époque. Et il lui a posé la question. Il a dit, mon père, il m'a ordonné de divorcer ma femme. Alors l'imam Ahmad lui a dit, ne la divorce pas. Alors il a dit, n'est-ce pas que Omar avait ordonné à son fils de divorcer sa femme? Et il l'a divorcé à ce moment-là. Alors, l'imam Ahmed lui a répondu, il lui a dit quoi? Il lui a dit, est-ce que ton père, il est comme Omar? Hein? Est-ce que ton père, il est comme Omar? Donc ça, c'est l'exemple qu'il a mentionné ici. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa ahsin ila ashabihi ba'da mawtihi, wa naffidh wasaya minhu fi husni ma'hadi. » Donc il dit également, sois bon envers ses compagnons après sa mort et exécute son testament de la meilleure façon. Donc ici le cheikh il explique sa signification. Il dit, لما فرغ من بيان بر الوالد في حياته ذكر أيضا أنه يكون بره بعد موته وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه قال هل بقي من بره شيء؟ قال نعم يعني تصلي له مع صلاتك تصلي له مع صلاتك وتنفذ وصاياه وتحسن إلى أصحابه أي نعم ومع هذا وكذلك الدعاء له والاستغفار له وهذا من البر به بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له رب اغفر لي ولوالدي فيبقى من البر من بر الوالد بعد موته أولا الدعاء له وهو معنى يعني تصلي له مع صلاتك يعني تدعو له مع دعائك لأن الصلاة يرد بها الدعاء فتدعو له مع نفسك هذه واحدة الثانية يعني تنفذ وصاياه التي تتمشى مع الشرع أما الوصايا الباطلة والجائرة فلا الثالثة يعني إن كان عليه ديون تقضيها وهذا من البر به والرابعة إذا كان له أصحاب يوده يعني يودهم ويودونه فإنك أيضا تحسن إليهم وتصلهم برا بوالدك. Donc ici le cheikh il explique que une fois que le cheikh il a terminé de parler de l'obéissance aux parents et la bonté envers les parents pendant leur vie quand ils sont vivants, eh bien il a mentionné également comment on peut être bon envers nos parents après leur mort. Et il a dit, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question lorsque son père est mort. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud ainsi que Ibn Majah. Et c'est un hadith connu. Hein? Il dit, yani, qu'est-ce que je dois faire envers mon père une fois qu'il est mort? Est-ce qu'il y a encore des choses que je peux faire pour être bon envers lui? Il a dit, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui. Quand tu fais un dua pour toi-même, tu pries pour ton père en même temps. Tu fais un dua pour ton père aussi. Et tu exécutes son testament et tu dois être bon envers ses compagnons et ses amis. Donc les amis de ton père, tu vas être bon envers eux. Comme si c'était tes parents. Hein, tu vas, dans le sens que tu vas agir avec eux et tu vas être bon envers eux en souvenir de ton père ou de tes parents. Et allez, comme ils étaient ses amis, donc toi tu vas être bon envers ses amis aussi. Et il dit, de même que le dua pour eux, tu fais des doigts pour eux et tu demandes pardon pour eux. Ça fait partie aussi du bon comportement envers tes parents après leur mort. Ça, c'est bien entendu à condition qu'ils soient morts musulmans. Parce que s'ils sont morts sur une autre religion, sur du kofr et du shirk, alors dans ce cas-là, non, on n'a pas le droit de faire des doigts pour eux. Mais s'ils sont morts musulmans dans l'islam, dans ce cas-là, oui, tu fais des doigts pour eux. Et il dit, la preuve de ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Oh, waladun salihun yad'u lah. » C'est-à-dire parmi les choses qui restent à une personne après sa mort. C'est-à-dire même quand il meurt, ça continue pour lui à être une bonne action. C'est lorsqu'il a laissé un enfant pieux qui fait des doigts pour lui. Et il mentionne le verset dans sourate Nuh, dans lequel Allah Azzawajal, il dit, yani Nuh alayhi salam, il dit, « Oh mon Seigneur, pardonne à moi ainsi qu'à mes parents. » Donc il reste de la bonté envers les parents après la mort de nos parents. Le fait de premièrement leur faire des doigts, d'invoquer Allah pour eux. Et c'est ça la signification lorsqu'il dit tu fais des doigts pour toi-même et tu fais des doigts pour eux en même temps que tu fais des doigts pour toi. Donc tu invoques Allah pour tes parents qui sont morts. Et as-salat ici, ça veut dire le doigt. Donc tu fais des doigts pour toi-même et tu invoques Allah pour tes parents aussi. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose que tu peux faire aussi pour tes parents après leur mort, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est que tu vas exécuter leur testament. Donc, si par exemple, ils ont écrit un testament pour laisser des biens à certaines personnes, donc tu dois exécuter leur testament. Le cheikh, il dit à condition que ce testament-là soit juste et qu'il soit en accord avec la religion, l'islam. Et on sait que parmi les conditions du testament en islam, c'est qu'il ne doit pas dépasser un tiers de tes biens et qu'il ne peut pas inclure un de tes héritiers. Parce que le testament, c'est seulement pour ceux qui ne sont pas tes héritiers. Puisque les héritiers, eux, ils ont une part prédéterminée par Allah dans la charia. D'accord? Donc, le testament ne peut pas inclure un héritier et ne peut pas dépasser un tiers de tes biens. Oui, dans ce cas-là, il ne va pas s'appliquer si le parent il a, par exemple, légué plus que le tiers, alors on ne va pas l'appliquer. On ne va pas donner plus que le tiers. Et on va seulement donner le tiers. Et il y en a des ulama qui disent, à moins que les héritiers acceptent que ils sont d'accord qu'on donne plus. Alors, s'ils sont tous d'accord, les héritiers, pour dire, OK, vous pouvez lui donner. Alors, dans ce cas-là, c'est correct. Mais s'ils refusent, les héritiers, alors on ne peut pas donner plus que le tiers. On va seulement donner le tiers. Et aussi, il ne faut pas que ça fasse partie, il faut pas qu'il fasse partie des héritiers. Parce que celui qui fait partie des héritiers, il a déjà une part de l'héritage. Donc, si tu lui donnes quelque chose du testament, eh bien, c'est comme si lui va recevoir plus que qu'est-ce qui lui est dû. Hein? Donc, dans ce cas-là, il n'a pas le droit. Et le cheikh, il dit ensuite, troisièmement, pardon, s'il a des dettes, tu dois régler les dettes de tes parents après leur mort, s'ils avaient des dettes. Ça fait partie du bon comportement envers eux. Et quatrièmement, si par exemple, ils ont des amis ou des gens qu'ils fréquentaient, des amis, des gens qu'ils aimaient et qu'ils les aimaient, eh bien, toi, tu gardes les bonnes relations avec eux, hein, en souvenir de tes parents. Et ça fait partie de la bonté envers tes parents aussi. Donc, par exemple, j'avais lu un hadith à ce sujet-là. En tout cas, pour dire que quand quelqu'un il est décédé, s'il avait des amis ou des proches, et toi tu vas garder les liens avec eux par bonté envers tes parents. Ça fait partie des bonnes choses. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ensuite, le cheikh dit: Wa nafidh wasaya minhu fi husni ma'hadi. يعني الموافقة للشرع الموافقة للشرع التي ليس فيها جور ولا جنف وليست وصايا تتضمن معصية كأن يوصي للقبور والأضرحة أو يوصي لأهل الفساد أو أهل الفسق أو في مشاريع محرمة فلا تنفذ وصيته. أما إذا كانت وصيته نافعة في أمور مشروعة فيجب تنفيذها. Donc, فيجب تنفيذها. Donc, il dit, par exemple, si son testament, c'est pas dans quelque chose qui est en accord avec la religion, parce qu'il y a soit qu'il y a de l'injustice dedans, ou c'est dans des choses qui impliquent un péché, comme quelqu'un, par exemple, qui laisse un testament pour, il dit, par exemple, je laisse un tiers de mes biens pour rénover les tombes des morts, où les gens vont faire le shirk, par exemple. Ou bien les mosquées sur lesquelles, dans lesquelles il y a une tombe pour la rénover. Ça, c'est pas permis. Ou bien il dit, je lègue mon argent pour les artistes, hein, les musiciens. C'est pas permis. Parce que tu laisses pas ton argent pour des gens qui font du péché ou des choses haram. Ou bien je laisse... je laisse un testament, je donne de l'argent à ceux qui avaient, par exemple, une discothèque ou bien, je ne sais pas moi, quelque chose de haram. Tu n'as pas le droit de laisser ton argent pour ça. Donc, ce testament-là, il ne va pas être valide. Et le cheikh, il dit, toutefois, si c'était un testament que tu laisses dans quelque chose qui est bénéfique, et dans des choses qui sont légitimes, alors oui, dans ce cas-là, il est obligatoire d'exécuter ce testament-là. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui à cet endroit-là. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, avec la suite. Et donc, alhamdulillah, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.